J'adore. C'est Lionel, vous êtes sur Énergie. Ladies and gentlemen, les Energy Music Awards 2013. C'est chaud. Bon, c'est ici que ça se passe, un jour J pour le plus gros événement musical européen, les Energy Music Awards 2013. Les derniers préparatifs, les stars qui se succèdent ici sur le yacht Energy dans le port de Cannes et les répétitions. On est à moins de 7h du show ce soir, le grand direct 20h50 sur Energy et TF1. Les répétitions avec Julien qui est dans le palais, à l'intérieur du palais, dans les coulisses. Qu'est-ce qui se passe, Juju? Bah ouais, c'est ça Lionel, hein. Je suis à quelques mètres de la scène des Energy Music Awards et clairement ce soir on va en prendre plein les oreilles, plein les yeux, hein, sur Energy et TF1. On sent ici qu'on est à quelques heures en fait de la cérémonie puisque tout le monde s'active, c'est les derniers préparatifs, on est en train de mettre le tapis rouge sur les marches du palais des festivals et en même temps bah, c'est bonne ambiance, tout le monde à la cool, tranquille. Tout à l'heure, One Direction ont fait leur répète, j'ai eu l'occasion de les voir juste à la sortie de la scène en fait, j'ai eu l'occasion de parler avec eux et les mecs m'ont dit clairement ce soir on va tout donner, on va mettre le feu pour nos fans français, on est super content d'être là, donc ça fait super plaisir. J'ai vu à l'instant aussi Patrick Bruel qui vient de répéter avec Amel Bent et Emmanuel Moir, ils vont chanter ensemble ce soir et on attend d'une minute à l'autre celle qui était il y a encore deux jours aux États-Unis et qui sera là ce soir et donc d'ici quelques minutes au palais des festivals pour les répétitions, Alicia Keys qui arrive. Aïe. Voilà, et apparemment elle va venir te voir aussi je crois, hein. Mais alors exactement, elle est sur le yacht Energy tout à l'heure. Donc voilà, elle va passer nous voir, nous faire un gros coucou. C'était son anniversaire hier, Alicia Keys. Alors, on m'a dit qu'elle était venue avec son fils qui s'appelle Egypte. Et on lui a prévu une grosse surprise. J'ai bossé mon anglais, je peux vous dire que j'ai I work my English grave. Et voilà, grosse surprise pour son anniversaire, pour le lendemain de son anniversaire avec un peu de retard. Mais voilà, on lui fait la fête sur le yacht Energy tout à l'heure, Alicia Keys, et ce soir en live sur Energy et TF1. Julien, à tout de suite. À tout à l'heure. Et puis tu parlais de Patrick Bruel, on va l'écouter maintenant sur Energy. Patrick Bruel, soyez les bienvenus.